En écoutant cette radio, je serai averti en cas de météo défavorable. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D.